toi. Je marche la nuit et je demande à toi, Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon amour. Je m'en vais.